la lumière s'éteint déjà. Et une autre s'allume là-bas, au fond du couloir. La lumière et l'espoir, une silhouette se dessine. Un flou artistique improvisé, j'entrevois ton visage. Et tu n'as pas changé, jamais j'aurais imaginé qu'on puisse à nouveau nous retrouver après tout ce temps. Je n'ai fait que penser à toi de l'autre côté du miroir. Je te regardais tout le temps. Parfois j'avais l'impression de devenir fou. Tu ne m'entendais pas pourtant. De devenir fou, tu ne m'entendais pas.